je dois introduire la séance. Je vais le faire brièvement. Je voudrais évidemment remercier Jean-Claude Miller d'avoir accepté d'être là avec nous pour réfléchir et discuter sur des sujets d'inquiétude qui nous tenons à cœur. Je pense qu'il y a des points de ces travaux qui croisent nos préoccupations, en particulier concernant l'université aujourd'hui et son avenir. Mais je voudrais aussi remercier Michel Barthélémy de m'avoir donné l'occasion d'organiser cette rencontre ici, à l'école, et aussi pour la compréhension et la patience dont Michel Barthélémy a fait montre au cours de la préparation de la séance d'aujourd'hui a été un peu laborieuse du fait notamment de mes soucis familiaux. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir donc accueillir Jean-Claude Miller ici. On peut aimer une pensée, la fréquenter et ne pas être pour autant un spécialiste de cette pensée. On sent seulement qu'il faut essayer de penser à partir d'elle et en discussion avec elle. Et c'est mon cas à l'égard de l'œuvre de Jean-Claude Miller. Vous connaissez les écrits de Miller, voire même les plus jeunes. Il s'est superflu de présenter ici, au sens du rituel précisément, des textes comme « Le penchant criminel de l'Europe démocratique » de 2003, « Existe-t-il une vie intellectuelle en France » de 2002, sont largement connus. Il y a aussi des travaux plus savants en linguistique qui demandent un lecteur plus technique ou plus professionnel, dont l'introduction à une science du langage, parue en 1989, et aussi en psychanalyse, auquel j'ai fait une petite référence, l'œuvre claire, dont les sous-titres est Lacan, la science et la philosophie, paru en 1995. Plus près ou plus immédiatement près de notre sujet de ce soir, il y a les trois courts traités politiques. La politique des choses, 2011, la politique des êtres parlants, tome 2, 2011 aussi, et tome 3, l'universel en éclat, 2014, où se trouvent les textes « L'université comme foule » que j'ai proposé comme point de départ de notre rencontre, réflexion, discussion ce soir. Il convient de remarquer que ces traités politiques accompagnent une réflexion soutenue sous le déclin de l'idée ou de l'idéal des révolutions. Si l'on prend comme repère les livres Constat, 1992, jusqu'à Relire la Révolution, paru l'année dernière, en 2016, il y a au moins 25 années durant que Jean-Claude Miller mène cette réflexion. Comme chacun sait aussi, ces travaux sont noués à une réflexion sur la judéité, et notamment sur le nom juif, entendu comme ce qui fait obstacle à la version facile de l'universel dont il est question dans les textes que nous avons lus, l'université que nous foulons. Or, là, il y a donc trois livres qui font un triptyque, dit Jean-Claude Miller, Les penchants criminels de l'Europe démocratique, Les Juifs des savoirs de 2006 et L'arrogance du présent de 2009. Il y a un travail, il me semble, d'anamnèse sur, par exemple, les retours des années 65-75. Dans l'arrogance du présent. Dans ses travaux, il va également de la structure de la culture européenne et de la figure de l'intellectuel, ce qui croise encore, par un autre biais, la question de l'université. J'aimerais ajouter un petit livre écrit avec Jacques-Alain Miller qui concerne un problème que nous connaissons tous très bien à l'université, celui du contrôle des êtres parlants. Et qui s'intitule « Voulez-vous être évalué ?» 2003. Je laisse de côté ici des points entiers du travail de Jacques-Claude Miller. Les livres bien connus, c'est par où j'ai commencé il y a longtemps, intitulé « Dès l'école », publié en 1984, « Les salaires de l'idéal » 1997, et puis « Les études sur Roland Barthes, Mallarmé, la controverse avec Alain Badiou, Paris 2012, et les livres qui viennent de paraître maintenant, qui s'appellent Considérations sur la France, que ce sont des entretiens avec Philippe Petit. Je suis conscient qu'il y a quelque chose de vain dans ce genre de survol, car tout se joue à chaque fois dans la puissance d'un mouvement concret de raisonnement et de l'écriture, et donc aussi et de la lecture. Il n'est peut-être pas déplacé de faire remarquer au moins au passage l'étendue de champs traversés et les langages comme une sorte d'axe ou de ligne de force omniprésente, si je puis dire, qui traverse les travaux. Le langage est approché tour à tour à travers l'étude linguistique, à travers la psychanalyse lacanienne, à travers aussi l'œuvre de Roland Barthes. Il n'est pas jusqu'à la politique qui n'ait été élaborée ou réélaborée depuis une pensée de langage, puisqu'elle se détermine comme politique des êtres parlants. Et c'est là, ce travail mené avec une plume fine que vous connaissez, claire et distante, certes, mais érudite aussi, singulièrement acérée, pugnace, railleuse, pardon, à l'occasion, satirique, caustique, tranchante, et qui fait preuve d'un courage plutôt rare de nos jours, à commencer par l'université et par les universitaires. Je ne vais pas dire un mot pour ce que nous avons fait circuler avec Michel Barthélémy, l'épictète argumentaire avec l'extrait final, de l'essai des Jacques Minière à l'université pour une foule. Je voudrais juste vous faire part du fait que j'avais posé et proposé quelques hypothèses à Jean-Paul Vignière. Une consiste, porte, mais peut-être qu'on va en parler, porte sur la question de ce qu'on appelle les savoirs de spiritualité, que je pense pouvoir lire dans certains textes de Jean-Paul Vignière, notamment les Juifs des savoirs. Et l'autre porte, et je vais juste dire ça pour terminer cette introduction, l'autre porte sur la question de l'enseignement, à savoir est-ce que la relation enseignante, c'est un lieu où on peut faire entendre la mise en doute de l'universel, de l'université. L'enseignement, si négligé aujourd'hui, y compris par ceux qui poursuivent la critique de la LRU. La critique est axée sur la question de la recherche. Il y a un oubli général orchestré, je dirais, par le gouvernement, par le ministre, par le procès de Bologne, un oubli général de la question de l'enseignement. Jean-Claude Minière décrit l'érosion des enseignants depuis au moins deux décennies dans les salaires de l'idéal, sous les textes sur lesquels il revient maintenant dans les considérations sur la France. Les enseignants sont appauvris, méprisés, humiliés aujourd'hui, brisés en tant que corps intermédiaire. Les enseignants sont devenus, écrit-il, des gens que tous méprisent et qui se méprisent eux-mêmes, avec les conséquences désastreuses au niveau de la société, désormais largement infantilisée et soumise. Et c'est tout en soulignant, par ailleurs, c'est toujours Jean-Claude Minière dans les considérations sur la France, tout en soulignant que les réformologues, je cite, veulent contrôler l'intériorité des enseignants. Nous revoilà dans la problématique de la politique des choses qui passe par celle de l'évaluation et de ce que je peux venir appeler à juste titre l'évangile de la gestion des ressources humaines. L'ironie est qu'aujourd'hui, le 5 octobre, soit la journée mondiale des enseignants organisée par l'UNESCO. Et j'étais frappé ce matin de voir les dossiers de presse à cette occasion qui parlent du coût très élevé des enseignants pour l'enseignement, en échange d'un travail de plus en plus mauvais. Je voudrais donc laisser ces questions en plein, et ceci étant rappelé, je laisse la parole à Jacques de Minière.